approchez. Le spectacle va bientôt commencer. New Orleans, une chanson écrite par Frank Guida et Joseph Royster et interprétée par Gary Usbond en 1961. La version là, qu'on vient d'écouter et d'entendre est un 45 tours signé Bern Elliott and the Fenmen en 1964. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le studio de Radio Web Passion. Après deux petites semaines de silence, Hot Rods est de retour, et de quelle manière? Avec un instant complice, s'il vous plaît. Ce soir, je ne suis pas tout seul dans le studio, je suis accompagné par celui qui, à lui tout seul, est en même temps l'ombre de Clive Williams et la main gauche de Calogero, celui qui fait trembler et résonner les murs de chaque endroit où les Gun Rocking se produisent, c'est JP, voilà, qui nous fait l'honneur de sa présence dans mon antre. Allez, on va se retrouver avec lui, ben, juste après ce petit truc-là. Je vous le jure, je vous l'assure, cet homme n'est pas un petit saint. Il a les airs de mercenaire, cigare au bec et colt au poing. À son passage, mauvais présage, les gens s'enfuient en le voyant. plage, il est plus sage depuis le vent à l'ouragan. Hey! Paris, petit Cassini, pillez les banquets de Piccadilly. Et c'est tout cela qu'on le surnomme. Le grand Bill, le coyote à foison. Le grand Bill, le coyote à foison. Sa foi jaune, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il tonne. Je t'aurais eu coyote sa foi jaune si tu ne m'avais eu avant. Hey! Car écoutez-moi, ô bon citoyen, une Paris m'a descendu. Oh, écoutez-moi, ô bon citoyen. Ailleurs je me suis rendu. Et où je parle, Dieu seul le sait. Car où je parle, vous en doutez. Un endroit, oui, peu fréquenté, où coyote ne me rejoindra jamais. Où coyote ne me rejoindra jamais. Où coyote ne me rejoindra jamais. Et voilà, il est 18h, 7 minutes maintenant. Vous écoutez Hot Rods, hein. C'est l'instant complice avec JP, pour le meilleur et pour le rock, eh bien, jusqu'à 20h. Salut JP, tu vas bien ? Très bien Didier, et toi ? Bah écoute, ouais, moi je suis content que tu sois là, donc ouais. Ah ben, c'est partagé. C'est partagé ? Bon, t'as reconnu le truc qu'on vient d'écouter, là ? C'est du rockab western, hillbilly, j'aime bien, mais j'ai un doute sur l'auteur, je sais pas trop. Tu sais pas trop, t'aimes bien ? Oui, j'aime bien. T'aimes bien, bah, c'était les Forbans en fait. Oh, c'est les Forbans. Ouais, non, bah, j'aime blanc, pas, là. J'aime pas, alors. Ouais, c'était les Forbans, et le titre c'est Le Coyote à foie jaune, hein, il le dit assez, et en plus c'est une version live, hein, s'il vous plaît. Hein. Parce non, mais je connais pas tous les Forbans. Voilà, parce que moi, j'ai pas tous les disques. Dans Hot Rod, j'ai une tradition. Hein. Moi, je recule devant aucun sacrifice. Rien n'est trop pour mes invités. Et puis, c'est ma façon à moi de te souhaiter la bienvenue. Viens dans mon antre. Ah, mais c'est une délicate attention, Didier. Ouais, je savais que ça te ferait plaisir. Voilà, les oui. Forbans. Les Forbans. D'ailleurs, dont tu as un superbe t-shirt, je crois, rose. Ouais, abricot. Abricot. Ouais. D'accord. Okay. En lettrage blanc. À prix d'or, je l'ai payé. Bon, alors, on va essayer de mettre quelque chose derrière cette voix qu'on entend, derrière JP. Donc, tradition oblige. Et je vais te laisser une à deux minutes pour te présenter, nous dire qui tu es, tout ça, etc. Quoi. Alors, JP, oui. J'ai 18 ans et demi. Je suis né à Nevers, Alabama. Et je suis musicien professionnel. Ah oui, comment ? Alors, non, pas du tout. Hein. Non, musicien professionnel, non. Mais par contre, comme disait tout à l'heure Didier, j'officie depuis 5-6 ans maintenant dans Gunrocking Tribute to AC/DC, dans le rôle de Cliff Williams, effectivement. Donc j'encourage tout le monde à visiter notre page Facebook de ce tribute excellent, voilà, dans lequel je suis bassiste. Sinon, j'ai 57 ans pour 18 ans et demi. Professeur d'histoire-géographie à Jargeau. Voilà. Si les élèves nous écoutent. C'est lui. Si des élèves nous écoutent, c'est moi. Bonjour. Bientôt les vacances. Voilà. Révisez bien pour le brevet. Hein. Et puis, mes goûts musicaux sont assez éclectiques, mais pas tant que ça. Hein. Rockabilly, soul, classic rock, essentiellement. C'est à peu près tout. J'aime pas tellement la chanson française et le rap, mais ça, on pourra toujours en parler dans le détail après, mais... Voilà pour cerner vite fait vous verrez au gré de la setlist ce que ça donne. Voilà. Et j'espère que vous apprécierez. Il n'y a pas de raison. Moi, j'ai la setlist sous les yeux. Il n'y a pas de raison. Hein. Ça rentre très bien dans le cadre. Bah, c'est un peu des trucs de vieux quand même. Dans le cadre de l'émission. Bah, c'est une émission faite par un vieux. Alors, pour tout le monde, hein. Pas pour que pour les vieux. Mais la musique la musique de jeunes, c'est de la future musique de vieux. Hein. Donc, c'est ça. C'est ça. Il suffit d'attendre un ou deux ans et puis ça y est. Bah, c'est qu'un recyclage en la musique. Hein. C'est que du recyclage. Voilà. Alors, bon, Trod, justement, là, on entend en parler, est une émission qui est basée essentiellement sur les années 70. Alors, aussi bien les classiques hein, que tout le monde connaît, Led Zeppelin, Deep Purple, même Supertramp, Billy Joel, enfin, tout ce qui est paru dans les années 70, et puis des choses un petit peu plus obscures. Surtout des choses un petit peu plus obscures que je fais découvrir. Bah, moi, c'est d'autant plus obscur que ça remonte aux années 50, alors. C'est très obscur, c'est la préhistoire. Alors moi, c'est un peu mon univers que j'essaye de partager un peu tous les mercredis soirs avec les auditeurs qui nous écoutent. Il y en a quand même. Je crois qu'il y en a. Voilà. Alors bonjour l'auditeur. Voilà. Donc les 70s, musicalement, culturellement parlant, ça représente une grosse partie de mon univers. Et c'est grâce à ça bah, donc, que tous les mercredis soirs, 18 à 20 heures, je me transforme, je me métamorphose en jackal. Et je m'extériorise. Ouais, d'ailleurs, on est en train de vivre la transformation. Là, ça fait peur, en fait. Voilà. Je me transforme en vieux fauve. Voilà. C'est moi, c'est le jackal qui sommeille en moi. Non, Didier, arrête. Alors, toi, donc, t'as un petit peu évoqué le sujet, mais ton univers, en gros, c'est quoi? Bah, mon univers, c'est. Il y a beaucoup de musique noire en fait. Alors, musique noire, pas que sous forme de soul ou de, mais. Bah, de rock, classique rock, enfin, ouais, parce que quand on dit AC/DC, j'écoute pas que du AC/DC, déjà et d'une, mais c'est beaucoup de la musique noire, hein, c'est du blues, de la soul, comme je disais tout à l'heure, et repris par Nez Blanc, parce que bon, bah, le rock vient de la musique noire de toute façon, donc voilà, c'est beaucoup ça. Hein. Oui, il y a un peu de musique blanche quand même. Il y a un peu de hillbillies et de country qui est rentré dedans. Qui a fait ouais, bah oui, bah de toute façon, oui, bah rien que le premier titre, c'est quand même c'est noir à la base. C'est noir à la base. Et puis après c'est devenu blanc. Mais tout le monde croyait qu'il était noir de toute façon. Donc, donc toi, t'as plutôt un univers basé quand même sur le rock, mid-50s. Ah ouais. 60s quoi. Bah ouais, bah oui, puis ouais. Bah puis les on va dire les pas les repreneurs mais les héritiers actuels de tout ça, donc forcément. Ouais. Parce que le rock n'est pas mort, hein, contrairement à ce qu'on j'ai pu lire déjà dans certaines chroniques ou entendre. Hein, non, ouais. Le rock n'est pas mort. Simplement, il a muté. Hein. Il a changé un petit peu quand même. Comme une certaine maladie. Alors ce soir, le grand responsable de la programmation musicale, bah, c'est toi. Voilà, je vais te confier les clés du camion pour le reste de la soirée. Tout à fait. Voilà. Bon, pour tout expliquer et puis pour expliquer aussi à nos auditeurs, pour ceux qui découvrent l'instant complice, donc je demande à mon invité de préparer une petite playlist, d'environ une heure pour nous présenter son univers musical. Alors là, on en a parlé, maintenant on va l'écouter, ton univers. Et une chose qui paraît toute simple et toute bête comme ça, fabriquer une playlist d'une heure sur ton univers musical, mais c'est pas si facile que ça. C'est très très dur. C'est assez compliqué. Parce que bon, j'aurais pu faire au moins le triple, le quadruple, parce que bon, on va commencer par un truc plus, enfin, un moment plutôt rockabilly. Enfin, rockabilly, c'est un terme que j'aime pas trop. C'est du rock tout simplement des origines, quoi, ou du rock des pionniers des années 50. Et alors là, j'aurais pu choisir. Bah, tout simplement des groupes plus actuels comme Crazy Cavan ou les Stray Cats, peut-être c'est plus connu, mais moi j'ai préféré proposer carrément les originaux parce que ça a été beaucoup repris. Tiens, alors ça par contre, tiens, quand on dit j'aime le rockabilly, par contre j'aime pas tellement les plus vieux connaissent, les jeunes non, mais ce qu'on a appelé les yéyés au début des années 60, c'est-à-dire les groupes, je sais pas moi, les Chaussettes Noires, les Chats Sauvages, parce qu'en fait ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils reprenaient tous les standards des années, enfin des Américains en fait, puis ils les francisaient. Alors ça donne des trucs que j'aime pas du tout moi, parce que bon à ce moment-là, t'imagines sur AC/DC, c'est Retour en Noir, Coup de Tonnerre, je sais pas, enfin, ça j'ai jamais trop aimé. Autant quand ils font leurs propres compos, ces groupes-là, ça marche. Hein, j'ai rien contre le rock en français, mais la francisation, je sais pas si ça se dit. Ouais, écoute, on va le dire. On l'autorise. De What I Say, et ça donne. Est-ce que tu le sais, des trucs comme ça. Je suis pas très fan de cette tendance, mais ça a été très très à la mode le temps des yéyés. Mais bon, l'avantage par contre, c'est que ça a fait découvrir En France, quand même les standards, sous la forme francisée, ce qui est un peu dommage. Mais ouais. Ouais, bah ouais. Donc alors en fait, pour faire ta playlist, tu t'y es pris comment ? T'as un ordre logique, la première partie, elle est plutôt rockabilly années 50. Après, il y a une partie plus soul. Puis après, on rentre dans le rock un peu plus musclé, mais qui vient quand même des origines, hein, simplement avec une puissance sonore plus importante. Alors il y a AC/DC, Rose Tattoo, Airborne, tout ça. Ces mecs-là, ils disent toujours qu'ils sont inspirés du rock des origines, mais ils l'ont transformé. On peut pas rester scotché aux années 50, c'était impossible, et puis ça aurait été dommage, quoi. Bah oui. Mais l'esprit, c'est l'esprit reste le même, en fait. Bon, écoute, c'est parfait tout ça. Bon, si tu veux bien, je pense qu'il est temps qu'on attaque les choses sérieuses. À moins que tu aies des choses à rajouter, des choses à nous dire. Non, je verrai au fur et à mesure. Voilà, d'accord. Donc, on va attaquer les choses sérieuses, je viens de le dire, et puis qu'on va rentrer dans le vif du sujet. À partir de maintenant, c'est toi le maître de cérémonie. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Alors, le temps d'un petit jingle, et puis on se retrouve tout de suite, juste après, avec ta sélection. C'est parti. Vous écoutez l'Instant Complice avec Jacal jusqu'à 20h sur Radio Web Passion. Voilà, t'as reconnu Led Zepp. Il n'est pas dans ma setlist, mais j'aurais pu. Hein. Ouais. Comme je disais, c'est un choix très très difficile. Une heure, ça paraît long comme ça, mais ça tient en une quinzaine de morceaux. C'est pas évident du tout comme exercice. Une heure, ça paraît long, mais tu vas voir, deux heures, ça paraît très court. Ça paraît très court. Ouais. Tu vas voir, tu vas pas voir le temps passer. Donc, écoute, je te propose qu'on attaque tout de suite. Vas-y, je te laisse nous présenter ton premier morceau. Alors, je vais commencer par un coup de pub cinématographique. Il y a un film qui est sorti mercredi dernier qui s'appelle Elvis. C'est sur Elvis, de Baz Luhrmann, et on a été le voir samedi, là, et j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est un biopic hein, sur Elvis. Alors, l'angle des biopics est toujours discutable. Hein. On peut dire, c'est mal fait parce que c'est trop chargé sur... Mais par contre, c'est l'acteur, Austin Butler, qui est vraiment bluffant hein, dans le rôle d'Elvis. La biographie d'Elvis n'est pas tellement trahie. Peut-être qu'ils noircissent beaucoup, beaucoup le rôle du colonel Parker, mais ça, effectivement, c'était sûrement pas quelqu'un de forcément bénéfique pour Elvis, mais... moi, je conseille d'aller voir ce film, parce que j'ai aimé. Après, chacun se forgera son opinion. Et donc, j'avais pas prévu d'intégrer ce titre à l'origine dans ma setlist, mais je propose quand même de commencer par un Elvis, l'un des premiers, That's Alright Mama, donc titre qui est pas du tout d'Elvis hein, c'est un blues de Big Mama Thornton à l'origine. Et puis Elvis a été sollicité par Sam Phillips en 56 pour faire des enregistrements, puis ça marchait pas du tout, mais pas du tout. Sam Phillips était mécontent de ce que faisaient Elvis, Scotty Moore et Bill Black dans le studio. Et puis les relations étaient tendues. Et puis pendant une pause, Elvis, Scotty Moore et Bill Black, le contrebassiste, on fait les andouilles sur ce standard là de Big Mama Thornton, et Sam Phillips a dit il faut faut retravailler ça, il faut le faire, c'est ça que j'attends, c'est ce son noir avec un blanc derrière parce que il y avait quand même pas mal de ségrégation aux États-Unis et Elvis est en blanc mais avec une voix de noir, c'est ce que voulait Sam Phillips. Donc ils ont travaillé et enregistré That's Alright Mama qui a été un hit dès la sortie à l'été 56 à Memphis. Dans les studios Sun Records. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. Well, mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that gal you foolin' with, she ain't no good for you. But that's all right. That's all right. That's all right, mama. Anyway, do. Well, it's all right. It's all right, Mama, any way you do. Eh bien, voilà, Mr. Elvis, le King. Avec That's une... all right. Je sais pas si vous, tout le monde connaît bien le monde d'Elvis, mais avec une voix très très juvénile. Il est jeune à l'époque, hein, il a 21 ans. Et c'est vrai que sa voix sur cet enregistrement est quand même radicalement différente des grands shows de Las Vegas sur la fin. Bon, sa voix était... Par contre, il avait gagné en puissance sur la fin, mais là on sent quand même les débuts. C'est une voix vraiment de jeune... jeune chanteur, quoi, voilà. Ouais, une voix de crooner, en fait. Une voix de crooner. Une voix de crooner, ouais, ouais. Un blanc, tu l'as dit, mais qui chante comme un noir et... Mais qui était pas du tout, quand je dis voix de jeune, il y avait d'autres jeunes qui chantaient à l'époque, mais ils chantaient des trucs du hillbilly, de la country, c'était ça que les blancs souhaitaient écouter, c'était que les radios passaient, justement. Mais c'était pas du tout ce timbre, en fait, cette intention, comme on dit, qu'il a donné et qui a été son originalité à Elvis au début. Bien. Donc, alors, tu nous conseilles le film, et puis tu as... Je conseille le film, oui. Ouais. Et puis, tu as amené une autre chanson qui parle d'Elvis. Alors là, c'est très contemporain. Alors, c'est un groupe bona fide que Igor, notre guitariste préféré dans Gone Rocking Tribute to AC/DC, m'a fait découvrir. Parce que, bon, lui, il passe son temps à essayer de découvrir des choses, et c'est bien. Moi, j'ai un peu moins le temps. Et des fois, il dit « Ah, tiens, écoute ça, c'est bien. » Alors, il y a quelques temps, bona fide... j'ai dit, ah ouais, quand même. Et ils ont un titre qui s'appelle Elvis Chapel Blues. Autrement dit, c'est un hommage au gospel, en fait, parce que Elvis aussi faisait du gospel, étant bien plus jeune qu'à l'époque de That's Right Mama. Et voilà, donc bona fide, j'ai trouvé que ce titre collait bien, était un enchaînement habile avec That's Right Mama. Mais alors, c'est pas du tout du rockabilly, là, pour le coup. Hein. C'est un groupe actuel qui convoie quand même. Ouais. Mais de toute façon, tu disais qu'Elvis faisait du gospel, mais bon, je sais pas si t'as vu la série sur Sun Records qui était passée. Je sais pas, c'est passé en toute discrétion. La série, genre Netflix, un truc comme ça. Voilà, genre Netflix, ouais, une série qui est passée qui s'appelle Sun Records et qui raconte l'histoire de Sam Phillips. Et on y voit donc Elvis dans ce truc là logique. Bah ouais. Ah bah je l'ai raté. Non, par contre, il y a des sur Netflix, des fois il y a des trucs ou sur Arte aussi, j'ai vu un truc sur Chuck Berry, un biopic de Chuck Berry qui était très bien fait aussi récemment là. Ouais. Mais celle-là, non, je l'ai pas vu. Et donc la série, elle commence l'épisode 1 et tu vois un petit bonhomme en Marcel blanc dans une cage d'escalier en train de gratter sa guitare et qui se fait engueuler par son père. Vernon. Voilà, qui se fait engueuler par son père, et puis au fil de l'épisode, il s'en va, et il se retrouve dans une église à écouter du gospel, et il tombe fou amoureux de cette musique-là, et de ce rythme-là. Ah ben alors là, encore de la pub pour le film, c'est évoqué de façon fugace, hein, parce que bon, il pouvait pas faire un biopic pendant 4 heures, Baz Luhrmann, là, dans le film. Mais ce choc du gospel chez Elvis est bien évoqué, je ne sais pas si c'est vrai, mais il rentre en transe lors d'une messe dominicale agrémentée de gospel. Et apparemment, on a l'impression que c'est ça qui est le déclencheur de sa vocation, de son envie, on va dire, de chanter ça, puis après de faire évoluer le truc. Bon, écoute, s'il y a deux versions différentes de cette page qui en parle, c'est que ça doit être vrai. Ouais, je pense, il n'y a jamais de fumée sans feu. Allez, on s'écoute ce petit Elvis Chapel Blues. Alors ça s'appelle Elvis Chapel Blues de bona fide. Voilà. Voilà. C'est sorti en quelle année ça? Allez, c'est pas grave. À l'autre, je sais pas. Non mais c'est récent, je sais pas, 2017-16 entre ces. Voilà. Voilà, ça fait déjà presque une demi-heure qu'on est ensemble. Vous écoutez votre Ode, c'est l'instant complice avec JP. On a déjà écouté deux morceaux, maintenant on va écouter le troisième. Alors là, on va revenir aux sources. Hein. J'ai longuement hésité avec B.B. King, que j'aime beaucoup aussi, pour revenir au blues, mais vraiment tradi, quoi. Et j'ai pris finalement Muddy Waters, qui est quand même dans le top, je sais pas combien, des grands bluesmen à connaître, à écouter, avec Hoochie Coochie Man. Elvis, on va pas faire toute l'émission sur Elvis, mais Elvis aussi était très influencé par tous ces bluesmen, et c'était un ami personnel de B.B. King, qui l'a pas mal aidé, conseillé, surtout au moment où le colonel Parker essayait de le faire virer sur la pop, mais enfin changer d'image, trop rebelle. B.B. King a dit mais non, faut tenir bon et tout. Bon, il l'a pas forcément écouté, mais en tout cas, il se connaissait. Et puis c'était le monde d'Elvis, c'était aussi le monde du blues, mais vraiment roots quoi. Et Muddy Waters fait partie des bluesmen très très, on va dire, authentiques de l'époque. Voilà, donc je reviens un peu aux origines avec Hoochie Coochie Man. The gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. I got a black cat bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls lead me by my hand. Then the world will know the Hoochie Coochie Man. But you know I'm here. On the 7 hours, on the 7 day, on the 7 month, the 7 doctors say he was born for good luck, and that you see, I got $700. Don't you mess with me, but you know, yeah. Eh bien, voilà ce petit Muddy Waters de derrière les fagots. Hoochie Coochie Man. Ouais, alors bon, ça, je sais pas, chacun sa sensibilité. Hein. Je parlais de musique de vieux tout à l'heure, mais moi, quand j'écoute des trucs comme ça, enfin, je sais pas, avec la voix et puis cet univers, moi, je sais pas, je sens quelque chose de chaud, la bière, la sueur, enfin, des trucs très, très, des choses comme ça. Le vieux bourbon. Le vieux bourbon. Et puis, bon... je veux choquer personne, hein, mais moi je trouve que beaucoup de choses dans la musique actuelle, ça sent plus tellement la sueur, la bière et tout ça. Ça sent, je sais pas, le thé, les madeleines, le déodorant, voilà. Ouais, donc, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà, c'est la tendance actuelle. Mais voilà, j'aime beaucoup cette atmosphère. Alors, tout le monde ne la ressent pas forcément. Moi, je la ressens assez fortement par la voix, j'imagine des trucs dans ma tête, des bouges à Memphis, des choses comme ça. Ouais. Et ça me touche, j'aime bien. Voilà. Ouais, bon, bah écoute. Chacun voit la musique. C'est ça, comme, voilà. Oui, exactement. Et interprète les chansons comme il l'entend, enfin, comme il l'aperçoit surtout, comme il la sent. On poursuit. Bah là, on va à la Nouvelle-Orléans. Alors ça, c'est du. On reste dans le rockabilly années 50, un petit peu, enfin rock classique des années 50. Mais c'est vraiment un son particulier. C'est le son de la Nouvelle-Orléans avec Fats Domino, I'm Ready. En quoi c'est un son particulier à l'époque qui se distingue des autres comme Chuck Berry? Ben, c'est quand même un swing très particulier. C'est vraiment un balancier. C'est très lancinant avec le piano, voilà, c'est un son particulier, puis la voix de Fats Domino. Il y a Keith Richards des Rolling Stones qui disait que c'était son morceau préféré de tous les temps, I'm Ready de Fats Domino. Il disait c'est 2 minutes et demie de pure magic, c'est-à-dire de pur bonheur. Alors je sais pas, c'est son ressenti à lui, mais c'est vrai que c'est un morceau très très efficace, hein, relativement court, mais il est typique du son de la Nouvelle-Orléans de la fin des années 50. Ouais, t'as une idée de l'année, justement, non? I'm Ready, c'est 57. 57, donc après Elvis. Donc après, tout ça, c'est un peu contemporain. Ils se connaissaient, d'ailleurs. Ils ont fait des concerts ensemble avec, comment s'appelle l'autre aussi, Little Richards, qu'on écoutera après. Ouais. Tous ces gens-là se fréquentaient, se connaissaient, s'estimaient. Ouais. C'est 1957, je peux dire une bêtise, mais ça doit être ça. Bon, écoute, on va vérifier. Allez, on s'envoie ça tout de suite. Est-ce que t'es prêt? Oui. Alors, on le dit en anglais? I'm ready. Well, I'm ready. I'm willing. And I'm able to rock and roll all night. I'm ready. I'm willing. And I'm able to rock and roll all night. We're gonna rock, we're gonna roll until the broad daylight, because I'm ready, and I'm able, I'm willing and I'm able, so you better come and go with me. We're gonna rock and roll, tell them all about free. Talking on the phone is not my speed, don't send me no letter cause I can't read. Don't be long cause I be gone. We're gonna rock and roll long night long, cause I'm ready, I'm willing, and I'm able to rock and roll all night. I'm ready, I'm willing, and I'm able to rock and roll all night. Come on, pretty baby, we're gonna rock, we're gonna roll until tomorrow night. Fats Domino. Donc on a regardé, on a trouvé 1959 sur. Ah ouais, c'est 59, pas 57. Sur Internet, mais bon, à 2 ans près, allez. C'est la période. On va pas chipoter. Donc on va passer maintenant à autre chose. Enfin, à autre chose, non, mais. On reste dans les années 50. Hein. Ouais. Alors Little Richard. Alors là, Little Richard. Je sais pas si on peut imaginer. Alors, noir. Homosexuel, gay, faisant du rock, dans les années 50, à la fin des années 50, avoir ce trio là, homosexuel, noir et rocker, dans les États du Sud des États-Unis, et tenir le coup, fallait vraiment quand même en vouloir, quoi. Donc moi j'ai toujours eu un grand respect pour ce mec là, parce que Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il faudrait avoir comme déviance ou comme chose politiquement incorrecte pour être à ce niveau-là de dangerosité, hein, en termes de, je sais pas, de menaces, d'agression, de tout ce qu'on veut, ou de déviance, ouais, je ne sais pas comment dire. Et bah voilà, Little Richards, donc c'est vraiment un des pionniers aussi. Et j'ai choisi Good Golly Miss Molly. Ouais, bah allez, c'est parti. J'ai les bananes qui poussent de partout, regarde. Ah ben là, c'est le moment. Hein. Là, normalement, si vous n'avez pas sorti la Gomina, la Cadillac Rose, et je sais pas, et si vous n'allez pas voir un film au drive-in, c'est pas de ma faute. Hein. Avec du popcorn. Et du popcorn, et puis un burger. Voilà. Bon, je sais pas burger. Si McDo était déjà sorti dans les années 50. Si, c'est... Ouais, bah, tu regarderas tout à l'heure. Ouais, c'est peut-être un peu jeune, mais bon. Fondation McDo, mais il y avait burgers. Il y avait déjà des burgers. Il y avait déjà du fast food. Hein. Ouais. Ouais. Eh ben, on reste donc. Tu nous as fait un petit truc spécial père fondateur du rock là. Hein, donc, là. Ouais, et donc on continue avec Chuck Berry. Bon, parce que déjà, il est considéré presque plus que Elvis comme l'inventeur du rock. Elvis, il est un peu contesté dans musicalement parlant comme fondateur du rock parce que. Je suis un peu d'accord, c'est plus dans la gestuelle, l'intention, des nouvelles postures de rébellion, mais musicalement parlant, Chuck Berry est quand même peut-être plus notable dans ses riffs, ses titres, comme inventeur du rock tel qu'on l'imagine, ou rockabilly si on veut l'appeler comme ça, quoi. Et puis, ben, c'est aussi, je fais toujours partie de Gone Rockin' Tribute to AC/DC, et Chuck Berry, c'est l'idole absolue, la référence absolue de Angus Young. Toute la guitare que Angus Young joue actuellement, il l'a apprise sur les titres de Chuck Berry. Il le dit, hein, il dit Chuck Berry, c'est ma base, quoi, de technique, d'intention et de jeu. Voilà, donc c'est un parallèle à faire. Arrested on charges of unemployment, he was sitting in the witness stand. The judge's wife called up the district attorney. She said, free that brown-eyed man. If you want your job, you better free that brown-eyed man. Flying across the desert in a TWA, I saw a woman walk across the sand. She'd been walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 3,000 years, in fact, ever since the world began, there's been a whole lot of good women shedding tears over a brown-eyed handsome man. It's a lot of trouble with a brown-eyed handsome man. between a doctor and a lawyer, you're mad. Her mother told her, darling, go out and find yourself a brown-eyed handsome man. Just like your daddy, he's a brown-eyed handsome man. Marlowe Venus was a beautiful lass. She had the world in the palm of her hand. She lost both her arms in a wrestling match to meet a brown-eyed handsome man. She fought and won herself a brown-eyed handsome man. 2-3 the count, with nobody on, he hit a high fly into the stand. Round the third, he was headed for home. It was a brown-eyed handsome man that won the game. It was a brown-eyed handsome man. Et il n'y a pas d'abonné au numéro que vous demandez. Donc c'était Chuck, et je conseille... Alors ça doit être sur Arte Replay, alors je sais pas, mais j'ai vu récemment, je disais à Didier, une bio de Chuck Berry très très très bien faite. Donc voilà, si ça traîne encore dans les replays de Arte, je vous conseille, voilà. Bon, eh ben écoute, alors on écoute quoi maintenant? Alors on écoute Eddie Cochran, Nervous Breakdown, autrement dit, on dirait Burnout aujourd'hui ou Dépression Nerveuse. Alors ce qui est rigolo, c'est quand on écoute les paroles, donc il commence par aller chez le Toubib en disant... docteur, je me sens mal et tout, et le docteur lui fait un check-up en disant ah ouais, en anglais ça donne vous êtes une vraie ruine quoi, je vous conseille de vous arrêter et tout. Alors aujourd'hui en 2022, ce genre de symptômes c'est le boulot, le Covid, plein de trucs qui nous frappent et qui nous touchent, qui sont légitimes. Mais alors par contre lui là, le Cochrane, à la fin des années 50, il fait pourquoi il est dans cet état-là? Eh ben c'est parce que il sort trop, il voit trop de gonzesses, il passe sa nuit dehors. Alors l'autre il lui dit bon, ça serait bien de ralentir un peu, you just gotta slow down, comme il disait à un moment donné. Donc en fait le motif de burn-out, nervous breakdown à cette époque-là, c'était trop faire la teuf quoi. Et donc c'était un peu plus gay, je trouve, que les motifs de burn-out actuels, voilà. Donc je trouve que c'est un peu plus frais. Donc on va se faire une dépression nerveuse, mais à fond, plus optimiste. I see my hands how they shiver. Woo! I see my knees how they quiver. My whole body's in a tither. I'm having a nervous breakdown. Voilà, Nervous Breakdown. Donc comme il dit à la fin de sa chanson, Cochrane, à cause de ça, un nervous breakdown. Il faudra que sa copine se trouve un autre mec pendant une semaine parce qu'il reste au lit. Épuisé, le gars. Après, ça ira mieux. Épuisé. Donc, tu vois, bon, c'est gérable quand même comme burn-out, mais ouais. Bon, c'est, ça mérite quand même de se reposer 5 minutes. Ouais, alors, faites attention parce que j'en connais des audios comme ça. Faites attention au burn-out, par contre. Oui. On va changer un peu d'univers. On va rester dans la musique noire, mais il y a tout un autre style musical que j'aime beaucoup, c'est la soul. Alors la soul, c'est très vaste, hein. Mais je restais quand même aussi dans les origines, hein, parce qu'il y a des groupes actuels de soul, ou Sam Soul, qui font des choses très très bien. Mais là, je propose Diana Ross parce que c'est quand même la reine. Hein. C'est une chanteuse que j'aime beaucoup et puis qui a fait ses preuves. Donc Diana Ross. En solo là, hein, pas du temps de Supremes, qui c'est très bien aussi. Et là, c'est My World Is Empty Without You par The Queen Diana. Allez, 18h52, bientôt 19h, on est toujours sur Hot Rods, on est toujours avec JP. Ça va JP? Ça va bien? Ouais, ça va bien. J'en profite pour dire, à propos de ce titre, Diana Ross, là, que, bon, j'ai dit en début d'émission, dans ma présentation, que j'étais donc bassiste dans Gone Wrecking Tribute to AC/DC. Alors, je ne joue pas que du AC/DC, ou même que du rock un peu lourd à la basse. Hein. J'aime beaucoup, dans ma chambre, enfin dans ma pièce de musique, jouer justement des choses comme ça, de la soul, des fois même un peu de funk, enfin pas du funk années 80, mais du funk des années 70. À la basse, il y a des parties de basse qui sont extrêmement intéressantes et formatrices à jouer. Enfin, ça, c'est un peu mon jardin secret, mais voilà. Donc, j'aime beaucoup cet univers également. Et puis, Diana, bah, ça reste une référence absolue. Alors, on passe à quoi, maintenant? Alors, on passe dans le même style. On reste dans le même style, mais on passe à quelqu'un, pour le coup, de, quand je dis confidentiel, c'est plus que ça. Je sais même pas s'il est encore connu. C'est un destin tragique. Baby Huey, c'est un jeune New-Yorkais, du début des années 70. Je crois que son titre, là, Hard Times, je pense être bon, là. Je crois qu'il a dû sortir en 71. Donc, c'est vraiment le tout début des années 70. Et ce jeune homme, avait une voix extraordinaire. Et puis ce titre, Y a un peu, ça fait un peu rap au début. C'est très urbain. J'aime bien. C'est un univers particulier. Et il est mort tragiquement d'une crise cardiaque parce que bon, il avait des problèmes apparemment de poids, d'obésité. Alors il est mort très jeune. Ça lui a coupé les ailes. Mais je pense qu'il aurait fait une carrière très très intéressante par la suite. Mais il est mort à peine 25 ans. Donc je propose Hard Times de Baby Huey. Belle voix, donc ouais. Rest in peace, Baby Huey, mais je pense que tu aurais eu une belle carrière, vraiment une voix intéressante, chaude, enfin voilà, un bel artiste à l'époque. Ouais, à l'époque. On va rester dans, c'est à peu près la même époque, hein, 2 ans avant, 69, bon, un grand classique là, hein, des Jackson 5, donc Jackson Michel avec ses frères, dans I Want You Back. Alors j'ai choisi, parce que j'aime bien déjà Edune, et puis aussi parce que ça me fait toujours penser à I Want You Back, à une émission qui passait dans les années 70, ça a dû durer jusqu'en 90 ou 92, un truc comme ça, aux États-Unis, qui s'appelait Soul Train. Ah oui. Donc c'était une émission présentée par Dr. Chepuki, un animateur très célèbre à l'époque, et qui passait justement quasiment que du funk, de la soul. Et ça a lancé plein d'artistes de l'époque. Et puis surtout, le public dansait. Oui. Et moi, j'adore regarder sur YouTube les pas de danse et puis les costumes de l'époque. Il y avait même des concours de danse, de line dance, c'est-à-dire les gens, ou des couples souvent, passaient devant les autres et puis ils faisaient leur show de danse. Donc ça donne des pas complètement improbables. Ils faisaient leur show et j'adore regarder ça. C'est vraiment, c'est très kitsch aujourd'hui évidemment, mais à l'époque c'était considéré comme je suis allé à Soul Train. C'était la notoriété absolue. C'était la classe quoi. Voilà. Tu sais ce que je te propose? Ouais non. Si on va pousser un peu les micros sur la table là. Alors je vais balancer la I Want You Back hein, des Jackson 5. Et puis tu nous fais un petit truc là, vu comme t'as déjà la tenue là. J'ai pas du tout une tenue de Jackson 5. En plus, je sors de chez le coiffeur, j'ai tout coupé. Alors. Allez, Jackson 5, et puis pendant ce temps-là, je vais vous filmer JP en train de faire quelques petits pas de danse. C'est cela, oui. Il y a de bien à écouter des trucs comme ça, c'est qu'on se replonge un peu dans le truc. Et puis là, tu vois, pendant ce temps-là, parce qu'on se posait des questions, alors qui c'était les Jackson 5, trouve-moi les noms des frangins, etc. Donc on a regardé, parce que bon, évidemment, on connaissait pas la réponse comme ça, on a regardé sur un moteur de recherche très connu, hein, qui commence par un W et qui finit par Wikipédia. Voilà. Et finit par Pédia. Et donc, voilà. Et il n'y a que des garçons. Moi, je pensais qu'il y avait une fille dans les Jackson 5. Bah oui. Non, c'était Michael. Mais puis c'est plus tard. Il a chanté avec elle, je crois, dans les années 80, avec Latoya. Ouais. Ben, je me demande si en 69, au moment de la sortie du titre, elle était. On va pas regarder la date de naissance de Latoya Jackson. Mais ça se trouve, elle était tellement petite que. Ou alors, c'était un choix de, comme dit Didier, de premier boys band conscient à passer dans Soul Train, peut-être. Ouais. C'est pas, faudrait demander à Papa Jackson. Ouais, et c'est même pire qu'un boys band, parce que c'est carrément cinq frangins, quoi. Ouais, c'est ça. On va se faire plaisir. Il y a Jackie, il y a Toriano, il y a Jermaine, Marlon et Michael. Voilà. Et Michael, ouais. Voilà. Et puis la mémoire t'est revenue, hein, je crois, sur le présentateur de Soul Train, d'un coup. Don Cornelius, voilà, c'est ça. Et pas Doc, je sais pas quoi. Eh ben, avec ces petits pas de danse que tu nous as fait, je propose qu'on s'en remette un petit coup. Oui, alors on va rester dans l'univers de la soul, le Motown des années 60-70, enfin là c'est 63. On reste chez les filles, donc c'est un autre groupe qui faisait une forte concurrence aux Supremes de Diana Ross à l'époque. Hein. Donc ça s'appelle Martha Reeves and the Vandellas. Alors ce qui est intéressant avec ce groupe de filles, là, c'est que briefées par la Motown souvent, c'est que elles avaient pour bien passer auprès du public blanc, elles avaient, je l'ai appris récemment dans une émission, des cours de maintien, de bonne manière de la part d'une dame ben noire, mais qui était apparemment très autoritaire. Elles avaient pas droit à l'erreur hein, sur la tenue, fallait pas qu'il y ait un cheveu qui dépasse, fallait choisir la bonne robe, les escarpins, fallait être irréprochable pour donner au public blanc une image très lisse. Maintenant, leur voix et leur titre restent quand même très black et c'est ça qui fait l'intérêt. Hein. Mais la Motown voulait qu'elle soit irréprochable, justement, pas trop comme les blues women des années 50, comme Big Mama Thornton. Il fallait que ça soit beaucoup plus propre, quoi. Et c'était ça. Donc, il y avait souvent 3-4 filles, comme les Supremes ou Martha Reeves, là, qui chantaient dans les émissions, super bien habillées, bien coiffées, avec des pas de danse mesurées, pas trop expansives. Mais leurs chansons restent quand même très efficaces, quoi. Alors, ça s'appelle, comme c'est bientôt les vacances, et puis qu'il fait chaud, donc ça s'appelle Heat Wave, vague de chaleur. Je couperai au montage, hein. Je couperai. Donc c'était Martha Reeves. Martha Reeves and the Vandellas. Donc Girls Band et pas Boys Band de 1963. Il y en avait plein, hein, ouais. Des comme ça. Moi, bon, j'irais pas au vice à demander le nom des Vandellas, mais... Bah Martha, déjà. Puis après, les autres, je sais plus. Les autres, bah, c'est les filles, voilà. Ouais. On passe à quoi, maintenant? Ah, ben alors là... C'est un peu une transition avec la suite. Donc c'est un standard aussi des Rolling Stones, Gimme Shelter. Alors j'ai choisi parce que bon, je veux pas tomber dans la guerre c'est moche et tout ça, mais Gimme Shelter, elle a été écrite en pleine guerre du Vietnam et bon, les paroles, c'est tout simplement un appel à la paix sur le sort des enfants, enfin bon, anti pacifiste dans le cadre de la guerre du Vietnam. Et comme on subit aujourd'hui, enfin, un peuple subit quand même une agression des enfants aussi en Ukraine, c'est presque malheureusement une chanson qui pourrait être réécrite dans un cadre différent. La guerre n'est qu'un, enfin, la paix n'est qu'un, c'est aussi comme chemin, c'est juste un baiser, quoi. Faire l'effort d'un baiser au lieu de tirer des coups de fusil. Donc voilà, c'est malheureusement encore un peu d'actualité dans des guerres actuelles. Gimme Shelter des Rolling Stones. Give Me Shelter, hein, donc c'était sur l'album Let It Bleed. Let It Bleed, ouais. Voilà. Ouais, donne-moi un abri. En 69, non, 69. Elle a dû sortir aussi en 69, celle-là. Ouais, ouais, je crois, ouais, ouais, ouais. En plein conflit du Vietnam. Alors là, on va passer carrément à autre chose. Et puis, tu nous as fait une petite surprise, un petit jeu, je crois. Non, c'est pas un jeu. C'est que la chanson qui vient après, ça s'appelle Goodbye Love. Et si les auditeurs trouvent le chanteur, Didier offre un séjour all-inclusive d'une semaine en Australie. Bien sûr. Chez Michel. Chez Michel en Australie. Non, non, mais si, j'ai le contrat sous les yeux. Donc vous pouvez appeler. Et si vous trouvez qui chante, all-inclusive, une semaine du 2 au 3 août en Australie. dans la plage la pire, hein, celle où il y a des requins et tout. Parce que bon, ils ont un budget limité. Bon. Ouais. Et voilà, donc j'en dis pas plus. Goodbye Love, écoutez, puis bon, on en reparle après. Moi, je sais qui c'est, puis je sais qu'il y en a un autre qui sait qui c'est. Il a gagné. Alors, je sais bien que c'est pas le morceau du siècle. C'est très glam rock, comme disait Didier. C'est kitsch, hein, 75, voilà, pas de def, enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Mais l'intérêt, c'était, enfin l'intérêt pour mon univers. Hein, après, les gens s'en fichent peut-être, mais c'est le chanteur de Goodbye Love. Donc, je sais pas si vous avez reconnu. Bah, écoute, Valentin a trouvé. Donc, Valentin, lui, voilà. Valentin a trouvé, mais c'est un peu normal. Donc, il part en Australie. se faire manger par les requins. Donc voilà, on dévoile. Bah oui, on va dévoiler, oui, quand même. Donc, Goodbye Love, transition habile avec la suite, vous verrez. Eh ben, c'est le titre d'un groupe qui s'appelait Jordy, dans lequel le chanteur était Brian Johnson, futur chanteur d'AC/DC à partir de 1980, quoi, voilà. Donc c'est comme ça qu'il a été repéré, d'ailleurs, par Bon Scott. Et il a fait quelques années, je me demandais pas combien, j'en sais rien, dans Jordy, voilà, dans un univers assez éloigné d'AC/DC, mais qui était sur les goûts de l'époque, quoi, voilà, un peu glam, rock. Mais c'était Mr. Brian Johnson. Voilà, de mémoire, il n'y a que deux albums de Jordy. Hein. De mémoire. Oui. De mémoire. Bah, il a été débauché. Travail sans filet. Hein. Il a été débauché après par AC/DC. Donc ouais. Bon. Ah bah tiens, AC/DC. AC/DC. Oh, bah, dis donc, on parle d'AC/DC. Tu ne serais pas dans un tribute AC/DC, toi. Ouais. Quel est ton morceau préféré d'AC/DC? Voilà. Si tu devais partir sur une île déserte, quel morceau d'AC/DC t'emporterait? Eh ben, peut-être Touch Too Much. Alors, Touch Too Much. Voilà, je me demandais pas pourquoi, c'est la sensibilité personnelle. La mélodie, je l'adore, le riff, j'adore, et puis surtout le solo de la fin d'Angus Young, moi ça me fait dresser les poils des bras. Je sais pas, j'adore Touch Too Much. Ouais, alors époque Bon Scott pour le coup, voilà. Bah la dernière, hein. Enfin c'est sur vraiment le dernier album. Voilà, on est sur Highway to Hell, donc Touch Too Much. L'album Highway to Hell, qui est un album d'ailleurs, c'est que des standards là-dedans. Ah ben là, si on me demandait quel album d'AC/DC t'emmènerais sur une île déserte, je pense que ça serait probablement celui-ci. Ouais, parce qu'il y a Back in Black aussi qui arrive derrière, qui est aussi très bon, plus vendu d'ailleurs du groupe. Bah oui, bah je sais bien. Mais dans Highway to Hell, attends, t'as tout quoi, Touch Too Much, Highway to Hell. Enfin voilà, donc c'est un album vraiment très réussi à l'époque. Bon, et bah écoute, tu sais quoi, on se l'écoute ce petit Touch Too Much. I was Trotz. Trotz. Trotz. Trotz. Trotz. We'll be right back. CDC, c'est un peu comme le train, il y en a toujours un pour cacher un autre. Ouais. Alors ça, c'était Rock and Roll Singer. J'ai choisi parce que, bah, déjà, je l'aime bien. Le riff et tout, comme beaucoup. Bon. Mais c'est un peu l'esprit de It's a Long Way to the Top. Donc l'histoire, c'est je veux être un chanteur de rock. Et puis mon papa, il veut pas. Et puis ma femme, mais j'y arriverai quand même. Enfin bon, voilà. Donc c'est l'esprit aussi de la chanson qui m'intéressait, quoi. Transition habile. À qui? Aux auditeurs. Si tu es blonde ou pas, mais non, enfin bon, si vous êtes intéressé par le chant AC/DC, God Wrecking Tribute to AC/DC, cherche un chanteur pour dans quelques mois, si possible, à partir de septembre-octobre, car notre Vince National déménage en Bretagne et nous aimerions bien continuer l'aventure ensemble. Et voilà, si vous connaissez des gens qui chantent du AC/DC ou qui ont envie de chanter du AC/DC avec nous, ben il sera bien accueilli, il sera bien le bienvenu. Voilà. L'annonce est donc. If you want to be a rock and roll singer, c'est possible. Ouais. On postule sur la page Facebook God Wrecking. Ah voilà, pardon, excusez-moi. Oui, donc on postule sur notre page Facebook où il y a le contact officiel pour postuler, quoi. Voilà. Donc ça serait pas mal. Voilà. Donc n'hésitez pas à envoyer aussi des extraits vidéo de vos performances vocales. Ouais, non, à JP. Non, vous m'écrivez ou téléphonez, puis après on en parle. On se fait une petite rencontre, bière, répète à Marseillais en vidette chez Igor, il y a tout ce qu'il faut. Puis voilà, non mais sans pression, sans rien. Bon, une petite bière sans pression, c'est pas terrible. Oui, quand je dis sans pression, c'est plutôt bouteille d'ébus, mais sans, voilà, en toute camaraderie et sans jugement, voilà. Bon, bah écoute, je crois que le message est passé, donc si t'as envie de chanter du AC/DC, fais-toi plaisir. Si tu as envie de chanter du AC/DC, appelle JP. T'appelles JP et puis tout est possible, tout est réalisable. Allez, on passe à autre chose ou on reste dans le même esprit? Ah ben, alors, esprit, c'est le même. En plus, on reste en Australie avec un groupe, je sais pas si les gens s'en souviennent, mais ils étaient assez concurrents de AC/DC à l'époque, hein, Rose Tattoo. Avec une espèce de teigne, un petit teigneux, ouais, au chant, Angry Anderson, tout rasé, tout méchant, trois dents cassées par les bagarres, enfin bon, là ça sent la bière, la sueur et la bagarre aussi. Et donc c'est Rose Tattoo, un groupe australien des années 70-80, avec Rock and Roll Outlaw. Intimité, amitié, convivialité, c'est l'instant complice avec Jacal sur Radio Web Passion. Eh oui, c'est l'instant complice. Donc c'était Rock'n'Roll Outlaw pardon, de Rose Tattoo. Donc heureusement personne n'a gagné le voyage en Australie, hein, parce que il est toujours vivant et vous auriez pu le croiser, il aurait pu vous casser la gueule. Donc, parce qu'il est méchant. Ah, l'Australie, ouais, l'autre terre du rock'n'roll, la troisième. Pour le coup, le titre suivant, ça reste en Australie avec Airborne. Et là, c'est une chanson hommage, enfin, ils ont fait une chanson hommage à Lemmy de Motorhead. Hein. Donc voilà, je pouvais quand même pas ne pas parler de Lemmy, c'est impossible. Hein. C'est une telle légende dans le monde du rock. Hein. Alors lui, il transcende tout, blues, classique rock, c'est vraiment... un personnage incontournable, donc il est décédé en décembre 2015, et Airborne a fait un titre hommage qui s'appelle It's All for Rock and Roll. Donc c'est dédié un peu à tous les rockers, pas qu'à Lemmy, mais voilà. Donc je propose ce titre maintenant. Valentin, je sais que tu nous écoutes. Valentin, c'est mon fils et batteur chez Gone Wrecking Tribute to AC/DC. Alors, je ne sais plus ce que tu as reçu sur la tête pendant le concert d'Airborne sur cette chanson quand on est ensemble. Je ne sais plus si c'est des gouttes de whisky, un verre en plastique, enfin, c'était, ou une canette. Mais je sais que tu as reçu, il y a quelque chose comme ça. Donc, quand on se reverra, tu me le rediras, parce que là, tu ne peux pas parler. Mais voilà, donc j'ai eu une petite pensée pour notre concert d'Airborne à Paris il y a quelques années. Voilà. En tout cas, c'était bien sympa ce petit Airborne. Ah bah ouais, c'est efficace Airborne. Ouais, ouais. Voilà. Et puis là. Alors là, Scorpion. Alors là, c'est un petit clin d'œil à Vince. Si tu nous écoutes, Vince, qui fait partie d'un groupe de rock qui s'appelle Paradox en région orléanaise. Vous l'avez reçu, tu l'as reçu d'ailleurs, Vince. Oui, Vince et puis Phil. Et Phil, voilà. Bisous à eux s'ils nous écoutent. Alors là, Rock You Like a Hurricane, je les tanne à chaque fois. Ça devient un peu une plaisanterie entre nous. Quand je vais les voir en concert, je les tanne à chaque fois, savoir s'ils l'ont mis dans la setlist parce que j'aime bien cette chanson. Alors des fois ils me disent non, on l'a pas. Alors je dirais, et la dernière fois, le 2 avril, au Croque-Beden, comme on a joué ensemble, donc pour moi, ils ont intégré Scorpion, Rock You Like a Hurricane dans la setlist. Donc j'étais bien content, voilà. Donc Scorpion. La voix de Klaus Meine, moi ça m'a toujours fait un petit truc cette voix là. Ah, la voix de Klaus Meine, oui, ouais. Bah oui, c'est Scorpion. Ouais. Est-ce que t'as pris après là? Moi, ça me fait super plaisir parce que ça fait partie de mes groupes de rock français préférés. Bah oui, puis comme t'es vieux comme moi, t'as bien connu toi les Dogs. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu les as vus en concert à Orléans en 1981? Non, mais j'en ai entendu parler de ce concert phénoménal des heures de retard et tout. Oui, et ben moi j'y étais, monsieur. Ah, ouais. T'attends toujours. T'attends toujours. Non, j'ai lu le livre parce que sa sœur, Dominique, a sorti un livre. Qui relate un petit peu toutes leurs anecdotes, etc. Et ils parlent dans ce livre du rock. La sœur de Dominique Laboubet, c'est ça ouais, que tu veux dire? Ouais. Ouais. Et elle parle de ce concert-là. Enfin, il y en a trois pages. Ils en parlent pendant trois pages. Ça les a marqués vraiment. Oui, oui, bah ouais. Oui. Bah, ça fait beaucoup parler dans Orléans à l'époque. L'organisation à l'Orléanaise, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc les Dogs en fait, hein, Dogs, ouais. Avec Dominique Laboubet. Alors ce mec-là, c'est quand même à présenter deux minutes. Donc c'est un Rouennais français et il avait choisi à l'époque de chanter en anglais. Et alors c'est vraiment kitsch parce qu'il a un accent français quand il chante les lyrics anglais qui est un peu spécial, mais ça fait tout son charme quoi. Donc ça fait vraiment I Come In My Room quoi. Mais il en reste pas moins qu'il y a l'énergie du groupe que j'aimais beaucoup à l'époque. Puis en live ça dégageait, c'était frais, c'était énergique. Alors c'est très rock british, hein, ça fait british, mais bon, même le rock britannique, il vient du blues aussi, tout vient du blues de toute façon. Mais j'ai toujours adoré ce ton de Dominique Laboubet avec la langue anglaise, ça donne quelque chose de vraiment particulier, quoi. Donc ça s'appelle, je vais le dire comme lui, Too Much Class for the Neighborhood. Yes. Et en plus, c'est la classe ce titre, parce que ça veut dire, j'ai trop la classe pour le voisinage, ouais. Et on m'invite pas dans les soirées, voilà, parce qu'on est trop, on est au-dessus de la mêlée, quoi. Ouais. Donc les Dogs, Too Much Class for the Neighborhood. Ouais, My Flowers Are Beautiful. My Flowers Are Beautiful, c'est exactement... Enfin bon, écoutez, vous verrez bien. I really don't care. It doesn't bother me at all. Too much class for the neighborhoods. Voilà, yeah. C'était un échantillon de la scène rouennaise rock des années, du début des années 80. Voilà. Ouais. Très, très bonne scène. Très bonne scène, oui. Et là, on a une scène orléanaise aussi. Ah bah alors, voilà, on a une scène orléanaise. Alors c'est un peu le même esprit, ce rock un peu british, pub rock à la Dr. Feel Good, enfin bon, voilà. Avec de l'harmonica aussi, tiens. Donc je propose les Chili Dogs, de très bons amis, des gens charmants, groupe qui n'a plus à faire ses preuves en région orléanaise, justement, avec un titre que j'aime beaucoup de leur deuxième album. Ils ont un troisième album qui est en préparation, là, d'ailleurs, je sais pas quand il va sortir. Et ça s'appelle Night Mine. Donc bisous Chris, bisous tout le monde, bisous chez les Chili. À bientôt sur la route. Bon bah comme à chaque fois, hein, et je te l'ai dit, hein, le temps ça passe super vite, voilà, il va bientôt être l'heure de raccrocher les gants. Bon, il nous reste quand même un morceau à passer, on va dépasser un petit peu, on s'excuse pour les émissions derrière, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais bon, on s'excuse déjà de dépasser un petit peu, mais bon allez, on va dépasser 3-4 minutes, ça... Voilà. Ou à peine, parce que... Ouais. Voilà, alors donc il reste un morceau à passer, moi je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine donc pour une nouvelle émission. Ce sera la 117e. On va passer en mode estival, en mode été. Donc il y aura un petit peu d'années 80, un petit peu de 60, un petit peu de 70. Gilbert Montagnier, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et Joe Dassin. On va passer vraiment en mode estival. Donc je serai en tongs, chaussettes, et voilà. Oh ben, on le verra pas. Hein. Bon, JP, avant que tu nous passes ton dernier morceau, bah, ton ressenti sur l'émission, hein, c'est le moment de conclure. Donc, je vais redire ce qu'on disait en mode off là. Ben, 2 heures, ça passe très très très vite. J'appréhendais un petit peu de pas tenir la distance. Je me disais, ça se trouve, c'est trop court, trop long. Mais on a passé un tellement bon moment ensemble avec Didier, puis avec vous, j'espère, que ben voilà, il est 19h56 là, au tableau digital, et j'ai rien vu passer. Donc j'espère que ma setlist vous a plu. Bon, c'est des choix très personnels, hein, ça fait pas forcément le limité, mais c'est mon monde, voilà. Ouais. Donc alors, le prochain morceau que tu nous passes. Alors, c'est Laissez-moi sortir, parce que d'abord j'ai faim. C'est vrai qu'il commence à faire faim. Hein. Ouais. Donc c'est Let Me Out. D'un groupe qui s'appelle Electric Mary. Alors, petite parenthèse, j'ai sévi avec Valentin aussi pendant un moment dans un groupe orléanais qui s'appelait Thérèse Électrique. Alors, c'était directement inspiré de Electric Mary, mais francisé aussi, quoi. Et là, c'est un live au Gaelic Club. Ça s'appelle Let Me Out. Et c'est un groupe vraiment, pareil, qui mériterait d'avoir une carrière beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'a. Il n'arrive pas à percer, ce groupe Electric Mary. Or, ça envoie quand même beaucoup, beaucoup. Avec beaucoup d'énergie, d'intention, voilà. On aime, j'aime également. Voilà. Donc on termine sur Laissez-moi sortir, Let Me Out de Electric Mary. Voilà. Et puis bah, pour le jeu, je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est. Bah, fin. T'as fini? Ouais. Parfait. Alors lève ton cul.